بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم تخضيب الرجال بالحنة في مناسبة الزواج؟ أي est-ce que c'est permis pour les hommes de mettre de الحنة أي du henné في مناسبة الزواج أي durant le mariage, est-ce que c'est permis pour l'homme؟ هذا يحصل. Ils lui mettent al-hinna, et ça c'est normal, pour une femme c'est permis, il a akhiré. Et fi al-zawaj, kadhalik, ils mettent à la mariée, ils mettent au mari. Ils mettent une petite partie dans la main. Est-ce que hada c'est permis? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, kama fi fatawa nour ala al-darb, yahrumu ala al-rijal an yakhtadib bil-hinna fi munasabati al-zawaj, ou ghayri munasabati al-zawaj. C'est interdit pour l'homme, que ça soit pour le mariage ou autre. قال وذلك لأن الخضاب بالحناء من خصائص النساء. هذا الخضاب لفدمة الحناء c'est من خصائص النساء, c'est réservé aux femmes. Certaines choses elles sont réservées aux femmes, مثلا الحناء, مثلا l'or, مثلا la soie, tout ça c'est interdit pour les hommes. قال فإذا فعله الرجل كان متشبها بالمرأة وتشبه الرجل بالمرأة من كبائر الذنوب. Ça fait partie des grands péchés. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. الحديث اللي في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes, et كذلك il a maudit les femmes qui ressemblent aux hommes. Les femmes elles ont des choses spécifiques à elles, et les hommes ils ont des choses spécifiques à eux. Maintenant, l'homme, il a le droit de sortir parfumé. La femme, elle n'a pas le droit de sortir parfumé. La femme, elle a le droit de porter de la soie, de l'or. L'homme, il n'a pas le droit de porter de la soie et de l'or. La femme, elle a le droit de mettre de la henna. L'homme, il n'a pas le droit. Donc, le fait de ressembler à l'autre, l'homme, à la femme ou la femme à l'homme, هذا c'est min kaba'ir adh-dhunub. Pourquoi c'est min kaba'ir adh-dhunub? On peut se poser la question, pourquoi Cheikh Rahimahullah قال, ça fait partie des grands péchés, le fait de ressembler à la femme ou la femme à l'homme. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن إلى مودي. Et quand tu as un hadith فيه اللعن, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a maudit celui qui fait telle chose, أو الله عز وجل il a maudit celui qui fait telle chose, اعلم أن cette chose c'est un grand péché. لماذا؟ لأن la punition elle est énorme, la malédiction c'est quelque chose de très très dur, donc ça fait partie des grands péchés. قال خضاب الرجل بالحناء بمناسبة الزواج أو غيره محرم ومن كبائر الذنوب. Quelque chose, c'est devenu très banal pour certains. عند أهل العلم, c'est haram. Que ce soit pour le mariage ou autre, il n'y a aucun besoin de mettre al-hinna. Et كذلك, c'est min kaba'ir al-dhunub, ça fait partie des grands péchés. أما باب العلاج, pour se soigner, فهذا, c'est autre chose. لأنهم يذكرون أن الحنة, كذلك, c'est طيب pour certaines maladies de la peau. فهذا c'est autre chose. لماذا؟ لأنه il y a une cause. أما comme les femmes, c'est pour ça que Cheikh il a précisé, on a une ressemblance aux femmes, et mettre une petite partie dans la main pour une occasion, هذا c'est حال النساء. فنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.